Double R. Happy, happy. La vie, je prie sans tapis. Tant pis si t'as pas pris la vie avec happy. C'est vrai, des fois je me plains en noir et blanc, je peins. Si je brille, c'est pour toujours. Pas comme nous, on est juste pas. J'ose pas, tiens, pose le flingue. M'a dit, n'y te restera. Tant pis si je suis un dingue. Père, mère, frère, pourquoi vous ai-je fait souffert? Le malheur n'élite guère. Donc moi, je veux que la guerre. Je pense à Piva, mi papi. Je ne vous oublie, c'est mon TV. Je réponds même si je suis avec mes amis. Promis, la famille avant tout. Certains des potes sont jaloux. Prenez une ventouse, prenez une ventouse. Vas-y, prenez une ventouse. Je suis pas du genre inventé, raconter des histoires inventées. C'est un jour je me fais planter et menter. Vous qui m'avez tué, tué. Mais je ne souffre pas lorsque je pense happy. Happy, je le suis quand je pense happy. On se demande l'amour, la donne à qui. Les musées brillent sur un tapis. Et si tu perds, c'est tant qu'il reste happy. Je le suis quand je pense happy. On se demande l'amour, la donne à qui. Les musées brillent sur un tapis. Et si tu perds, c'est tant qu'il reste happy. Si l'habit fait le moine, ami, mets les voiles. Happy comme ces ricains devant mille, happy mille mois. J'suis auteur et interprète, mon moteur c'est internet. J'suis mon cœur sans intérêt, si tu meurs je viens t'enterrer. J'en ai marre du vice versa, le bonheur marche vice versa. Et ta terre bah j'mise sur ça, donc je fais si je fais ça. Si la vie est un test, à la fin j'aurai 20 sur 20. J'espère qu'il y a une présence en haut, pour qu'il voit ce que j'vois. J'ai trop souffert dans ma vie, faut le voir, pour le croire. Quand t'achètes un miroir, Photoshop n'est pas les vrais. Avec fillette te cache pas derrière du fond de teint pour trouver un mec. Hendek, on m'a dit qu'on passe sur tes amis pour tes appuis. Reste appuis, tout peut être acquis. C'est pour nos qualités et nos défauts qu'on s'aime, qu'on cède, qu'on s'aime. Si l'amitié ou l'amour t'a fait un vent, bah dis-toi qu'on récolte pas toujours ce que l'on sème. Happy, je le suis quand je pense happy. On se demande l'amour, la donne à qui. Le messie brille sur un tapis. Et si tu perds, c'est tant qu'il reste happy. Je le suis quand je pense happy. On se demande l'amour, la donne à qui. Le messie brille sur un tapis. Et si tu perds, c'est demain n'est pas un autre jour, sinon tu aurais aimé tout hier. Mais la seule chose qui peut briser les rêves, c'est l'accomplissement du rêve. Mon humeur est un obsédé du sexe, il ne fait que de sauter. Les souvenirs, c'est fermer ses yeux secs. Pour les réouvrir mouillés, je pose ce que personne ose. J'arrose ce que personne sauce. Les grands créent des vies pendant que l'autre s'en aventre. Souvent, on garde le nuage noir alors que le ciel est rempli de nuages blancs. Je préfère ramasser des centimes par terre que de ramasser le parterre pour des centimes. En gros, pour briller, faut crier, mais pas prier. Pour avoir des billets, faut être habillé. Mais bon, je reste happy, car c'est sur un lit que mes rêves s'appuient. Il faut garder le sourire, même si on sait qu'on va bientôt vivre un moment difficile. J'ai appris ça depuis qu'on m'a dit, tu vas faire la même si on te dit que tu meurs à la fin du film. Happy, je le suis quand je pense happy. On se demande l'amour, la donne à qui. Les messieurs prient sur un tapis. Et si tu perds, c'est tant qu'il reste happy. Je le suis quand je pense happy. On se demande l'amour, la donne à qui. Les messieurs prient sur un tapis. Et si tu perds, c'est tant qu'il reste happy. Je le suis quand je pense happy. On se demande l'amour, la donne à qui. Les messieurs prient sur un tapis. Et si tu perds, c'est tant qu'il reste happy. Je le suis quand je pense happy. On se demande l'amour, la donne à qui. Les messieurs prient sur un tapis. Et si tu perds, c'est tant qu'il reste happy.